بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث الثامن وهو 81 كتروني حديث. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. سلو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم levait ses deux mains au niveau de ses épaules lorsqu'il débutait la salat et au moment où il faisait le takbir pour l'inclinaison et au moment où il relevait sa tête de l'inclinaison de la même manière et il disait سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد et ne le faisait pas lors du sujoud, de l'ordre de prosternation. Donc le rapporteur c'est Abdullah ibn Omar, dont on a déjà parlé auparavant. Yaqul mawdu al-hadith, le sujet du hadith, bayyin hukm raf al-yadayn wa mawadi'ihim as-salah, qui parle du jugement du fait de lever les deux mains et à quel moment doit-on le faire durant la salat. Yaqul yukhbiru Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u yadayhi ila hadwa manqibihi fi salasati mawadi' min as-salah. Donc Abdullah ibn Omar informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses deux mains au niveau des épaules à trois moments de la salat. عند takbirat al-ihram, lorsqu'il fait le takbir de l'ihram au début lorsqu'il dit Allahu Akbar. عند الركوع, au moment où il s'incline. عند رفع منهم تعظيما لله وزينة للصلاة. Et au moment où il se relève du ركوع, de l'inclinaison. Et cela enfin en vue de quoi? D'embellir la salat. Et de magnificence envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Glorification d'Allah, azza wa jal. وَلَا يَفَعَلُ ذَلِكَ عَنْدَ السُّجُودِ وَلَا عَنْدَ رَفْعٍ مِنْهُ حَيْثُ إِنَّهُ هَوَى وَإِنَّهُ هَوِي وَنُزُولٌ. Et également, il ne le faisait pas lors de la prosternation, ni en se relevant de la prosternation, du fait que c'est un moment de descente. Par contre, là où on peut le faire également en plus, que le chien ne cite pas dans le hadith, c'est lorsqu'il se relève de la deuxième rak'at. D'accord ? Quand il fait plus une salat de plus de deux rak'at, lorsqu'il se relève de la deuxième rak'at, il lève les mains également. Ce que le hadith ne stipule pas ici. Il y a qu'au fawaid al-hadith. مشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. Qu'il est légiféré de lever les deux mains au niveau des épaules au moment où on fait le takbir de l'Ihram, au moment où on s'incline et au moment où on se relève de l'inclinaison. Et comme on l'a dit également au moment où on se relève de la deuxième rak'at. وأن ذلك كان مشروع في السجود لا عند الانحطاط إليه ولا عند الرفع منه. Qu'il ne serait pas légiféré de le faire au moment où on se prosterne ni au moment où on se relève de ce sujoud. ثالثا ان المصلي يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع ويستثني من ذلك المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده لكل النبي صلى الله عليه وسلم في الامام اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد et que celui qui fait la salat joue entre les deux paroles lorsqu'il se relève de l'inclinaison en disant سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد lorsqu'il se relève du ركوع. Et cela, exceptions sont faites pour celui qui est présidé. D'accord ? Alors, celui qui est présidé, c'est-à-dire celui qui est derrière l'imam, lui, il se contente juste de dire « Rabbana wa laka alhamd ». Comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Si l'imam dit « Sami Allah lumen hamida », alors dites « Rabbana wa laka alhamd ». Donc celui qui est en salat en groupe derrière l'imam, il ne dit pas « Sami Allah lumen hamida ». Hadha. Taïb. Fadha ladhi khanna al-yum min al-hadith. Naktafi biyata qadu wa hamdu wa rabbil alamin.